En français, les prépositions comme « sans » sont suivies d'un verbe à l'infinitif, par exemple « sans savoir » ou « sans le comprendre ». En anglais, après chaque préposition, on emploie automatiquement la forme en « ing » du verbe. Par exemple, après « sans »,« without », après « after », avant « before », pour « for » ou « in », etc. Comment dit-on sans savoir? Without knowing? Yes, without knowing. Sans le comprendre. Comprendre, to understand. Without understanding? Yes, once more, sans le comprendre. Without understanding it? Yes, without understanding it. Sans dire un mot. Un mot, ça se dit word. Without selling... Say. Mm-hmm. Right, once more. Without saying... Without saying... Yes. A word. A word. A word. W-O-R-D. Word. Without saying a word. Alors, comment dites-vous? Il est parti sans dire un mot. He is leaving. No. He left. Without. Dire un mot. Saying a word. Yes, he left without saying a word.